c'est moi, la vie, la mort. Pour toujours, à jamais, l'éternel, la loi. L'autre fois, souvenir, de minuit a changé. La lueur, la couleur, c'est toi, c'est moi. La nuit, le jour, tu veux l'autre voie. Le ciel, la terre, le nuage, la vie. La mort, le courage, le temps, la force. L'ultime, le songe, c'est toi, c'est moi. La roue, le sacrilège, à tout jamais. Porte en toi la foi, l'au-delà entier, entière. La lumière, esprit, caractère de l'univers. L'univers céleste, divin, ange, gardien. Pénètre en lui-même le secret des mystères. Incarnation, vie après vie. Unis les êtres qui étaient chers. La fin de l'ignorance.